Ralentis jamais sinon la route sera raide. Jamais je ne ralentis, jamais je ne cède. Moi, je n'ai besoin d'aucune aide mais qu'un muet. Mon lit si ou mon lit il est raide. Ralentis jamais sinon la route sera raide. Jamais je ne ralentis, jamais je ne cède. Moi, je n'ai besoin d'aucune aide. Je n'ai peur d'aucun DJ, d'aucun son. Je n'ai pas peur des éclats ni de l'orage quand il gronde. Pas qu'on sonne plus et j'aimerais tester mon son. Viens nous cacher et je te liquide dans 15 secondes. Nous sommes pas les capitaines ni des juniors, nous sommes des seniors. Mon son a déjà tous les trophées au cas où tu l'ignores. J'aime mon jeu du rouge, j'aime mon jeu aussi sur du hardcore. Quand je chante les sound system, tous les bossy en un encore. Yo, tous les jours tu te bats pour la place du meilleur. Mais ce n'est pas encore l'heure, on s'en nourrit toujours en sort. Le travail ne me fait pas peur, ce que je le fais avec mon cœur. Je suis dans la gamme, je suis mineur, yo. Dis-le à tes frères et tes sœurs, mais quand même, où est-ce pas mon lit ici ou mon lit il est raide. Ralentis jamais sinon la route sera raide. Jamais je ne ralentis, jamais je ne cède. Ouais. Je n'ai besoin d'aucune aide, mais quand même, où est-ce pas mon lit ici ou mon lit il est raide. Ralentis jamais sinon la route sera raide. Jamais je ne ralentis, jamais je ne cède. Ouais. Je n'ai besoin d'aucune aide, tu me sais, tu veux nous clasher. Mais tu n'as pas les armes, et à chaque fois on s'en est obligé de nous saluer. Tu peux pas tester le mighty Lionheart, car tous les jours on joue du reggae pour les citer. La route est longue et il faut savoir où tu vas. Ne trompe pas de chemin, sinon ce sera tant pis pour toi. Ça t'a préféré prier Bouddha, moi je préfère prier Jah. Yo, mais où est-toi Molly, il nous faut aller tout droit. Ne jamais lâcher l'affaire, Ayana et pas avec toi. Puis j'agène dans le business et ça fait longtemps que je suis là. T'as dit m'en sur les micros, déterminé, reviens tâcher pour toi. Je veux pas te céder mon grade. C'est des masses de plaques, ne veux pas molly, molly, si ou molly, il est raide. Ralentis jamais sinon la route sera raide. Jamais je ne ralentis, jamais je ne cède. Why? Je n'ai besoin d'aucune aide, quand ne veux pas molly, molly, si ou molly, il est raide. Ralentis jamais sinon la route sera raide. Jamais je ne ralentis, jamais je ne cède. Why? Je n'ai besoin d'aucune aide. Je connais mes ennemis, connais mes amis. Je connais tous ceux qui traînent avec moi juste pour leur profit. Well, je veux pas de vampire, je veux pas de blood soda. Je veux pas de femmes qui me check juste pour ma money. Des amis de bonne femme, c'est ce qu'il nous faut. Faya bonjour, vas-y, tu penses à ma Nemo. Moi, j'en fâche sur toi, si tu penses à ma Kaya. C'est tant pis, même si tu étais mon banco. Mais ralentis pas, ralentis jamais. Si tu es en galère, tu te diras ah, si jamais.